بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tout d'abord, je tiens à remercier Allah عز وجل de nous avoir facilité de nous retrouver par le biais de cet outil qui est la radio de Mirath al-Anbiya, qu'Allah récompense les frères qui gèrent cette radio et qui permettent la transmission en direct de traductions de livres des hommes de science bénéfique et profitable. Ensuite, deux points qui me tiennent à cœur et que je tiens à préciser à chaque occasion que cela est possible. Le premier, et de savoir que ce que nous faisons, et je demande à Allah de nous accorder à tous la sincérité dans toutes les paroles et tous les actes, et de nous accorder également la conformité à la sunna de notre noble prophète alayhi salatu wassalam dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous délaissons. Ce genre d'aide entre frères, en lisant les livres des hommes de science, qui correspondent à notre niveau, niveau de débutant, est une chose extrêmement bénéfique, qui a plusieurs intérêts pour celui qui traduit, ainsi que pour ceux qui écoutent, tout en gardant bien à l'esprit que ce que nous faisons a pour but d'enseigner les bases de l'islam à nos frères et nos sœurs qui sont novices dans l'islam, que ce soit du point de vue de la durée qu'ils ont passée dans l'islam, ou du point de vue de l'acheminement et de leur apprentissage de la religion. Car comme vous savez, une personne, elle peut avoir 30 ans dans l'islam, mais elle a entamé la démarche de l'apprentissage proprement dit, que tardivement. Donc ceci est bénéfique pour elle, qu'elle puisse apprendre les bases de sa religion, en particulier le tawhid. Et également, comme nous allons le faire par la suite, al-manhaj, de connaître al-manhaj al-salafi, afin d'être un salafi avec science et clairvoyance. Donc ça, c'est le premier intérêt. Et le deuxième intérêt de ce genre de cours, c'est de donner l'envie et de prendre un avant-goût de ce que c'est la science. Chose qui motive le frère et la sœur afin de demander la science proprement dite. Car la science, comme vous le savez, ça se prend des hommes de science. Ça se prend des hommes de science. En voyageant vers les hommes de science. Et la science, ça s'apprend également dans la langue de la science, qui est la langue arabe. Faut bien garder ces points en tête. La science, c'est chez les hommes de science, et non pas chez un traducteur ou un frère qui essaye de faire des efforts pour aider ses frères et pour les motiver et pour leur donner l'envie de suivre le même parcours que lui, qui est d'aller vers les savants et d'apprendre d'eux sa religion. Mais en attendant, ce genre de cours pourra être bénéfique et profitable. Donc quelqu'un qui a bien compris ce message, il ne va jamais poser des questions à des frères juste parce qu'ils font des cours comme ça. C'est pas toute personne qui est bonne pour faire un cours de ce genre est bonne pour toute chose. Ensuite, le livre que nous allons étudier ensemble, bi'idnillah, et je demande à Allah qu'il me soit profitable et bénéfique à moi ainsi qu'à tous mes frères et sœurs, c'est Kitab ou Risalatu Al-Qawa'id Al-Arba'. C'est une risala qui s'intitule Al-Qawa'id Al-Arba'. Les quatre règles de l'imam revivificateur de la religion de l'islam dans la deuxième moitié du XIIe siècle, Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah lui accorde les degrés les plus élevés dans le paradis, qui est décédé en l'an 1206 de l'Hégire. Cet imam qui a revivifié At-Tawhid dans la péninsule arabique, qui vivait dans Shirk avant sa da'wah, malgré la présence d'hommes de science parmi Al-Sunna wal-Jama'a. Mais tous, ils avaient peur pour leur personne. Ils avaient peur des représailles, des menaces. Car les ignorants et les gens de manière générale sont les ennemis de ce qu'ils ignorent. Quand les gens ignorent une chose, ils deviennent ennemis de cette chose-là. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important à tenir en compte quand tu fais da'wah à quelqu'un qui ignore une sunna. Et ne lui parle pas de ton point de vue, toi qui sais que c'est une sunna et qui est convaincu que c'est un bien. Lui, il ignore que ça c'est une sunna. Pour lui, ça c'est quelque chose de nouveau avec laquelle t'es venu. Et ça c'est un conseil qui nous a été donné par son éminence, l'allama Ubayd al-Jabiri, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et qu'Allah lui accorde les degrés les plus élevés du paradis. Avant de pratiquer une sunna dans un endroit où cette sunna est ignorée, faut commencer par l'apprentissage et l'enseignement. Enseigne aux gens les dalils du livre d'Allah et de la sunna de son prophète alayhi salam, de cette sunna. Et ensuite, pratique-la. Donc, Al-Qawa'id Al-Arba'a. Une risala très bénéfique et très profitable. Après avoir étudié les trois fondements, les hommes de science recommandent d'étudier cette Risala. Car les trois fondements te permettent de connaître le Tawhid d'une manière concise. Ensuite, à travers les quatre règles, tu arrives à réfuter des ambiguïtés au sujet de Tawhid et de son opposé à Shirk. À Tawhid, on va toujours l'appeler comme ça, c'est l'unicité d'Allah. Et Shirk, c'est son opposé, c'est l'associationnisme et le polythéisme. Donner à Allah un associé dans une de ses caractéristiques propres. Donc ces quatre règles, ce sont des règles que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a tirées du livre d'Allah et la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam, afin de permettre à celui qui les comprend bien et qui les maîtrise de ne pas tomber dans les ambiguïtés qui sont utilisées par les ennemis de Tawhid afin d'égarer les gens et de distinguer d'une manière claire le Tawhid du shirk. Et de là, on voit l'importance de cette risala. Et le Qawa'id al-Arba, en quelque sorte, c'est comme un résumé d'un autre livre de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab qui s'intitule Kashf al-Shubuhat. Donc Kashf al-Shubuhat, c'est un autre livre de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab qui traite du même sujet, mais d'une manière encore plus détaillée, où l'imam ramène les shubuhat des mushrikin au sujet de Tawhid et il les réfute avec les arguments uniquement tirés du livre d'Allah et de la sunna de son noble prophète alayhi salatu wassalam. De la même manière que les trois fondements est comme un résumé de Kitab Tawhid. Et ça, c'est une règle générale d'apprendre al-haq, ensuite d'apprendre al-batil, d'apprendre la vérité, ensuite d'apprendre le faux, d'apprendre la vérité afin de la pratiquer et de connaître le faux afin de ne pas tomber dedans. Et ça, c'est parmi les points qui sont et parmi les caractéristiques qui démontre le mérite des compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit Omar radiallahu anhu. Ils ont connu le jahiliya. Ils savent ce que c'est le jahiliya. Et quand ils sont venus dans l'islam, ils ont su la valeur de l'islam. Et comme il a dit Omar radiallahu anhu, le jour où naîtra dans l'islam des gens qui n'ont pas connu Al-Jahiliya, les anges de l'islam seront défaites l'une après l'autre. Donc connaître le mal et connaître le faux et connaître les shubuhat et connaître les paroles des égarés, ça c'est la moitié de la science. Ça te permet d'être avec une certitude dans ta religion et de connaître les ambiguïtés des adversaires du Tawhid ou de la Sunna ou de l'islam de manière générale et comment les réfuter. Le commentaire de cette risala que nous allons lire ensemble, bi'idnillah, c'est le commentaire d'un très très grand savant contemporain qui est l'allama Muhammad Aman al-Jami, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous allons voir une petite biographie succincte de l'allama Muhammad Aman, rahimahullah. Le commentateur de cette risala que nous allons lire. Donc, l'imam al-Salafi, Abu Ahmed, Muhammad Aman bin Ali, Jami. Donc, il est le grand imam, le grand savant, le modèle qui suit la voie des salafs. Abu Ahmed, sa kunya, c'est Abu Ahmed. Muhammad Aman bin Ali Jami. Donc Jami, c'est par rapport à son village qui s'appelle Jama en Éthiopie, dans la région de Harar. Dans la région de Harar. Donc c'est un Éthiopien, rahimallah, cheikh, c'est un Éthiopien, rahimallah, d'un village qui s'appelle Jama. Il est né, rahimallah, en l'an 1349 de l'Égypte. Et il a grandi dans l'amour de la science et des hommes de science depuis très très jeune. Il a appris dans son pays déjà, et ensuite, il est venu en Arabie Saoudite, il a continué sa demande de science. Il a appris les sciences de la langue arabe. Il a mémorisé le livre d'Allah. Il a mémorisé le Coran. Et il a étudié le fiqh selon le madhab al-Shafi'i. Car dans son pays, le madhab qui est propagé, c'est le madhab de l'imam al-Shafi'i. Et dans son début, et dans le début de sa vie, Cheikh rahimahullah a été influencé par l'Ash'ariya dans l'Aqida. Et il a été touché également par Sophia dans sa pratique, en pensant que c'est la voie de Al-Sunnah al-Jama'a. Car c'est ça qui était propagé dans son pays. C'est l'Aqid al-Ash'ariya et al-Sufiya dans les adorations. Et tellement Cheikh était attaché à la science, il a décidé de faire le pèlerinage afin d'accomplir le pilier de l'islam, mais également en ayant l'intention de rester demander la science à Mecca. Donc il est sorti de son pays, de l'Éthiopie, et dans son voyage, il a traversé des difficultés et des épreuves. Ça nous rappelle les histoires de Salaf dans leur voyage, dans la demande de science. Dans son voyage, il est passé par la Somalie. Il a pris le bateau pour aller jusqu'à Aden, au Yémen. Et ils sont passés par des grandes épreuves dans cette traversée, dans la mer. Et Allah Azza wa Jalla les a sauvés. Après 3 jours successifs dans la mer, Allah Azza wa Jalla les a sauvés. Et de Aden, ils sont partis jusqu'à Al-Hudayda, à pied. Et en arrivant à Al-Hudayda, ça a coïncidé avec le mois du Ramadan, et ils ont jeûné le mois de Ramadan là-bas. Il a jeûné, Cheikh Rahimallah, il a jeûné le mois de Ramadan là-bas. bien sûr, il a fait ce voyage avec son ami et son collègue dans Talab al-Ilm, qui s'appelle Cheikh Abdel Karim, rahimahumullah. Et ensuite, de l'Hudayda, ils ont quitté l'Hudayda en allant vers l'Arabie Saoudite à pied. Et en arrivant à la frontière, ils ne les ont pas laissés rentrer tout de suite. Et ils ont patienté jusqu'à ce qu'ils aient eu la permission de traverser la frontière pour aller vers Mecca. Et parmi les anecdotes de Cheikh dans cette attente, c'est que Cheikh Rahimallah n'avait qu'un seul riyal. Il n'avait qu'un seul riyal comme argent dans ce voyage. Et en arrivant à la frontière, il a trouvé un vendeur de livres. Et il lui a acheté un livre pour un rial, c'est-à-dire pour tout l'argent qu'il avait. Et ça nous démontre l'attachement de Cheikh Rahimallah à la science et aux outils de la science. Et quand ils ont eu la permission de traverser, ils sont passés par la ville de Sarmeta, qui se trouve à la frontière du Yémen. Sarmeta, c'est la ville de Cheikh Zayd, rahimahullah. La ville dans laquelle, ou la ville par laquelle, da'wah de l'imam Abdullah al-Qara'awi, rahimahullah, a commencé. L'imam Abdullah al-Qara'awi, qui est cheikh de notre très célèbre cheikh, Hafid al-Hakami, rahimahullah. C'est dans cette ville que Da'wah Salafia a commencé, dans tout le sud de l'Arabie Saoudite. Et de Sarmeta, ils sont passés par Abu Arish jusqu'à arriver à Mecca. Tout ça, bien évidemment, à pied. Et donc, Cheikh a fait le pèlerinage pour la première fois de sa vie, en ayant à peu près une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, il a pu faire le pèlerinage, rahimahullah. Et après le pèlerinage, Cheikh a commencé à participer dans les assises de science qui avaient lieu dans le Haram al-Makki. Et parmi les choses qui ont permis au Cheikh, rahimahullah, Mohamed Aman, de changer d'orientation dans l'aqidah, c'est la lecture de Risalat Thalathatul Usuli wa Adillatuha. Donc il a lu Risalat des trois fondements et ça lui a permis de connaître le haqq. Et de là, on tire un point très important, mes frères et mes sœurs, c'est que le but, c'est pas de lire beaucoup de livres et de passer d'un livre à un autre, mais de comprendre ce que nous lisons et de pratiquer ce que nous lisons. Et ce que nous apprenons. Donc vous voyez que l'imam Mohamed Aman, rahimahullah, il a connu l'aqid al-salafiyya en lisant les trois fondements. Et combien d'entre nous ont étudié les trois fondements à plusieurs fois et ils ignorent ou n'ont pas encore pratiqué beaucoup de choses parmi ce qui est cité dans cette risale, qu'Allah nous facilite la mise en pratique. Et ils étaient réticents au début avant de lire cette risala entre lui et bien évidemment et son ami Cheikh Abdel Karim. Ils étaient réticents au début de lire cette risala parce qu'avant d'arriver, ils ont reçu des mises en garde des hommes de science qu'ils avaient dans leur pays contre le Wahhabiyya. Et également en passant par le Yémen, ils les ont mis en garde contre le Wahhabiyya. Et c'est de là que Cheikh Rahimallah a commencé sa demande de science. À Mecca, et ensuite il a intégré Al-Ma'had, et parmi ceux qui ont étudié avec Cheikh Mohamed Amar Rahimallah dans Al-Ma'had, niveau secondaire, Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, Hafidahullah. Et avant d'étudier dans le Ma'had, il a étudié dans ce qu'on appelle aujourd'hui Dar al-Hadith al-Makkiya. Et là-bas, il a étudié avec Cheikh Yahya bin Uthman al-Hindi, appelé également Yahya bin Uthman al-Mudarris, un cheikh très très âgé, encore vivant aujourd'hui. Hafidhahullah, un grand cheikh salafi qui enseigne encore aujourd'hui dans le Haram al-Makki. Ensuite, cheikh voulait arrêter les études dans le Ma'had et se consacrer plus aux halaqat, aux cercles de science qui ont lieu dans le Haram. Et Cheikh Abdurrahman Sa'di Rahimahullah a eu un bienfait sur Cheikh en lui recommandant de continuer dans le Ma'had. De continuer dans le Ma'had et de ne pas interrompre les études. Et il lui a dit d'assister au cercle de science en parallèle. Et il lui a recommandé d'assister au cercle de science de l'imam Abdelaziz Ben Baz. Et Cheikh, depuis ce jour-là, il est resté avec Cheikh Ben Baz, rahimahullah. Et il a profité énormément de lui. En l'an 1374, Cheikh Mohamed Amar, rahimahullah, a fini le secondaire. Il a intégré l'université. Et ensuite, après la mort de l'allama Hafid al-Hakami, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, a désigné Cheikh Mohamed Aman comme successeur à Cheikh Hafid al-Hakami dans l'école de Samita, dans l'école salafie de Samita, al-Madrasa al-Salafiyya bi Samita. L'école où Cheikh Rabi a étudié, où Cheikh Zayd a étudié, yani tous ces savants ont étudié dans cette école. Et le directeur de cette école, c'était Cheikh Hafid al-Hakami, rahimahullah. Après sa mort, Cheikh Ibn Baz a désigné Cheikh Mohamed Aman comme directeur de cette école. Et il a continué dans cette école jusqu'à l'ouverture de l'université islamique de Médine. Après l'ouverture de l'université islamique de Médine, Cheikh Rahimahullah Mohamed Aman a été choisi comme enseignant. Donc il fait partie des premiers enseignants dans l'université de Médine, avec Cheikh l'imam Mohamed Nasser al-Din al-Albani, Cheikh l'imam Mohamed Taqi al-Din al-Hilali, et ainsi de suite. Donc tous ces savants qui ont enseigné dès l'ouverture de l'université, Cheikh Mohamed Lamin al-Shungaiti rahimahullah, et ainsi de suite. Tous ces savants ont enseigné, c'était les premiers dans leur matière, dès que l'université a ouvert. Et ensuite, Cheikh a obtenu le doctorat. Il l'a obtenu de l'université du Caire. Cheikh a eu, rahimallah, a eu beaucoup de postes dans sa vie et beaucoup de missions qui ont été confiées, surtout dans des pays africains. Le premier voyage, il a été envoyé au Soudan. Yani pour enseigner, propager le da'wa pendant une courte période. Ensuite, il a été envoyé dans 10 pays africains, dans un groupe d'hommes de science qui était présidé par l'imam Mohamed Lamin Shungaiti rahimahullah, celui, le savant qui a fait Adwa al-Bayan, le livre d'explication du Coran. Ensuite, il a été envoyé également dans l'ouest de l'Afrique, où il a resté, où il est passé, où il a passé 3 mois. Toujours pour faire da'wa, tout ça. Ensuite, il a été envoyé en Somalie. Il est resté une période là-bas à faire da'wa également. Et parmi les dernières missions qui lui ont été confiées, il a été envoyé au Pakistan, dans une des universités les plus connues là-bas. Et Cheikh Rahimallah, après le bienfait d'Allah Azzawajal, c'était la cause que cette université a eu une bonne orientation dans ses programmes. C'est lui qui a mis en place les programmes scolaires. Et c'était une cause de propager la da'wah salafia au Pakistan. Et il a été envoyé ensuite, et ça c'est sa dernière mission, rahimallah, il a été envoyé au Mali et au Niger, où il a passé 12 jours dans la da'wah. Cheikh a eu beaucoup de postes. Parmi les postes qu'il a eu, il a été désigné comme recteur de l'université, de la faculté du hadith dans l'université islamique de Médine. Il a été désigné également comme président de la faculté du aqida. Et également, il était enseignant dans le Masjid Nabawi et enseignant également dans la mosquée de Quba. Entre autres, Cheikh Al-Issé Rahimallah, un grand héritage scientifique, beaucoup de livres, beaucoup d'audios dans lesquels il a expliqué, énormément de livres de science. Parmi les chouyours de Cheikh Mohamed Amar Rahimallah, il en a eu beaucoup. Je vais en citer quelques-uns. Cheikh Hamad Ansari Rahimallah, c'était parmi ses chouyours. Également Cheikh Abdurrahman Sa'di Rahimallah, Cheikh, le rééducateur de Tawhid dans le sud de l'Arabie Saoudite, Cheikh Abdallah Al-Qarawi, Cheikh Abdelaziz Ben Baz, Cheikh Abdelrazzaq Afifi, Cheikh Abdurrahman Al-Afriqi, Cheikh Mohamed Abdelrazzaq Hamza, Cheikh Mohamed Khalil Harras, Cheikh Mohamed Abdel Wahab Al-Banna, Rahimallah, Rahimallah, Jamir, علماء المسلمين qu'Allah leur, lui fasse miséricorde et qu'Allah fasse miséricorde à tous les savants musulmans. Également parmi ses chouyours, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh. C'est son Cheikh avec Cheikh ibn Baz. Cheikh Mohammed Lamine Shungeti, comme on a vu, c'était parmi ses chouyours. Parmi ses élèves, Cheikh Rabi'a. Parmi ses élèves, Cheikh Ahmed ibn Mahmoud al-Shungeti. Ce cheikh, il est toujours vivant, rahimahullah. Il est handicapé. C'est un cheikh spécialisé dans usul fiqh. C'est un docteur qui était enseignant dans l'université islamique de Médine et qui est spécialisé dans la science de usul fiqh. C'est un élève de cheikh Mohammed Lamine Shungeti. C'est parmi ses élèves très proches. Et donc c'est parmi les élèves de Cheikh Mohammed Amar, rahimahullah. Et ce Cheikh, il enseigne encore aujourd'hui dans le Masjid Nabawi. Il est il est Cheikh, rahimahullah, ce Cheikh Ahmed Shungeti est handicapé, mais il continue à enseigner tous les jours dans le Masjid Nabawi. Il enseigne la science de usul fiqh. Parmi ses élèves, notre grand cheikh Rabi al-Madkhali, Hafidahullah. Également notre cheikh Zayd bin Hadi al-Madkhali, qu'Allah lui fasse miséricorde. Parmi ses élèves également, là je suis en train de citer les élèves. Donc j'ai dit cheikh Rabi, cheikh Zayd, cheikh Ahmed Shungeti et cheikh Abdullah, notre cheikh Abdullah bin Abdelrahim al-Bukhari. Notre cheikh Abdullah al-Bukhari, Hafidahullah, c'est parmi les élèves les plus proches de cheikh Mohammed Aman, rahimahullah. Également parmi ses élèves, cheikh Ali ibn Nasr Faqihi, enseignant dans le Masjid Nabawi encore aujourd'hui. Voilà quelques points concernant la biographie de cet imminent savant. Et parmi les choses importantes à savoir sur Cheikh Mohammed Amar, rahimahullah, c'est qu'il jouissait d'un excellent comportement. Dans le comportement, Cheikh, rahimahullah, c'était un modèle. C'était un modèle, rahimahullah, dans le bon comportement. Et parmi les choses qui démontrent ceci, c'est que Cheikh Rahimallah a épousé trois femmes. Les trois lui ont été proposées. C'est pas lui qui a demandé ces femmes en mariage, mais on lui a proposé ces femmes et il les a épousées à chaque fois, yani pour son comportement et pour sa science. Cheikh était connu, très connu, au point où ils attribuent les ennemis de Sunna, ils attribuent ceux qui s'accrochent à la Sunna à cet homme de science. Ils disent Jamia, car Cheikh était connu pour son amour pour la voie de Salaf et pour sa défense de la voie de Salaf. Et il était connu pour son amour pour la science, comme on a vu précédemment. Cheikh était assidu dans Qiyam al-Layl. Des fois, il faisait Qiyam al-Layl dans le Masjid Nabawi. Et il le faisait le plus souvent chez lui dans sa maison. Et il jeûnait tout le temps le lundi et le jeudi. Et des fois, ils arrêtaient son cours pour la rupture du jeûne, afin de motiver les élèves et de les inciter à jeûner. Et un cheikh également était très tendre. Et celui qui écoute ses audios encore aujourd'hui, il le constate. Cheikh, il pleure beaucoup, il pleurait beaucoup dans ses cours. Et parmi les caractéristiques de ce noble cheikh, c'est qu'il n'arrêtait jamais de conseiller les gens de son entourage de la bonne manière, mais il faisait nasiha. Et qu'il ne perdait pas son temps, rahimallah. Il avait un programme très chargé, tous les jours, dans lequel il n'y avait pas de place à la perte de temps. Il lisait beaucoup le Coran, il faisait beaucoup l'adhkar et dhikrullah de manière générale. Il était très connu pour pardonner et ne pas châtier quand il le pouvait. Combien de personnes ont insulté Cheikh, ont dit du mal de lui, l'ont traité, et quand ils sont venus lui demander pardon, il leur a pardonné directement. Et même il y en a qui l'ont frappé. Et c'est très connu l'événement qui s'est produit dans la ville de Riyad, où Cheikh a subi, on lui a fait du mal, on l'a frappé, on l'a insulté, il a pardonné à celui qui a fait ça. Il voulait venir le voir pour le demander pardon directement. Il a dit, c'est pas la peine, je lui pardonne. Rahimahullah. Et il veillait beaucoup sur ses élèves. Il veillait beaucoup sur ses élèves, rahimahullah. Cheikh était un ascète par excellence. Il avait un délaissement de dunya inégalable. Rahimahullah. Au point où quand il enseignait, ou quand il apprenait, il demandait la science, quand il demandait la science dans l'institut scientifique de Riyad, dans lequel il a étudié avec Cheikh Al-Muhsin Abbad, ainsi que d'autres savants, on lui donnait comme un salaire qui était donné aux élèves, une compensation qui était donnée aux élèves. Il distribuait tout cet argent comme sadaqa. Il ne gardait rien pour lui. Et il dormait dans la mosquée. Et il disait, je n'ai pas besoin de cet argent. Et il n'a commencé à prendre un salaire qu'une fois qu'il s'est marié, rahimallah, et qu'il a eu une famille, il devait subvenir à leurs besoins. C'est là où il a commencé à prendre un salaire par rapport à son travail. Mais avant, quand il était étudiant, il prenait ce salaire et il le distribuait en sadaqa. Il dormait dans la mosquée, il se contentait de manger le peu qu'il trouvait. Donc, tout ce qui a été dit par rapport à Cheikh parmi les savants contemporains, beaucoup d'éloges ont été faites à l'imam Muhammad Aman Jami Rahimallah, que ce soit parmi de la part des savants de ses chouyours ou des savants qui ont étudié avec lui et qui l'ont côtoyé de très près. Tous ont dit que du bien de lui, que ce soit dans sa aqida, que ce soit dans son manhaj, que ce soit dans son comportement, que ce soit dans tous les côtés de Cheikh Rahimallah, ils n'ont dit que du bien de lui. Et ça, c'est très connu. C'est pour ça, on ne va pas voir ces points-là. Donc, Inch'Allah, nous allons nous contenter aujourd'hui de cette introduction. Et bi'idnillah, la séance prochaine, dimanche prochain, bi'idnillah, nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous allons lire Risala avec le commentaire de Cheikh Mohamed Amar, rahimahullah. Et Inch'Allah, on va essayer de la faire en 2-3 séances. qu'Allah nous le facilite, qu'Allah nous accorde la science bénéfique et profitable, et nous facilite à tous les œuvres pieuses et acceptables, qu'Allah prenne nos âmes dans le tawhid et dans la sunna et dans talab al-ilm. Qu'Allah nous pardonne nos péchés, qu'Allah guide les égarés et les ramène vers la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam, et qu'Allah nous accorde l'amour en lui et pour lui. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.